Apocalypse chapitre 17. Alors l'un des sept anges qui avait les sept fioles, vint, et il me parla, et me dit, « Eh bien, je te montrerai la condamnation de la grande prostituée, qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution les habitants de la terre. » Ainsi il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme montée sur une bête de couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. Et il y avait sur son front un nom écrit, Mystère, la grande Babylone, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints, et du sang des martyrs de Jésus, et quand je la vis, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme, et de la bête qui la porte, et qui a sept têtes et dix cornes. La bête que tu as vue, a été, et n'est plus, mais elle doit monter de l'abîme, et puis être détruite, et les habitants de la terre, dont les noms ne sont point écrits au livre de vie dès la fondation du monde, s'étonneront, voyant la bête qui était, qui n'est plus, et qui toutefois est. C'est ici quelle intelligence pour quiconque a de la sagesse, les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi ces trois, les cinq sont tombés, l'un est, et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, c'est aussi un huitième roi, elle vient des sept, mais elle tend à sa ruine. Et les dix cornes que tu as vues, sont dix rois, qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils prendront puissance comme rois, en même temps avec la bête. Ceux-ci ont un même dessein, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois, et ceux qui sont avec lui, sont du nombre des appelés, des élus et des fidèles. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, et sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, des nations et des langues. Mais les dix cornes que tu as vues à la bête, sont ceux qui haïront la prostituée, qui la désoleront, la dépouilleront, et mangeront sa chair, et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur de faire ce qui lui plaît, et de former un même dessein, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité, qui a son règne sur les rois de la terre.